Chapitre 7e. J'ai lu toutes ces fadaises infâmes et niaises d'un seul élan, la bouche sèche, la poitrine haletante. Ainsi j'ai l'horrible courage de suivre une à une les traces du crime. J'en vois naître la pensée, sans développer le plan, sans préparer l'exécution. Ainsi, tandis que confiance, stupidement confiant, je laisse chez moi, dans cet intérieur qui se doit respecter comme un temple, l'épouse hypocrite et l'ami menteur, entre ces deux êtres, la trahison se dresse, hardie, impudente. Et je ne soupçonnais rien. Non, en vérité, avec toute mon intelligence, j'étais plus niais que le plus niais des dandins. Voilà 2 mois que se jouait ici, ici, cette comédie honteuse, et quand je rentrais, ma femme, surpénétrant dans sa chambre, je l'éveillais, me regardait de ses grands yeux où je croyais voir de la tristesse, presque un reproche, et dans lesquels, une heure auparavant, brillaient ces rayons dont le monsieur s'affole. L'âme de la femme est pétrie de mensonges, c'est de la boue. Et moi qui éprouvais parfois comme un remords. Oui, réellement, j'avais cette folie de m'accuser de négligence. Ce soir encore, j'hésitais à me rendre à l'invitation de mon ami. Tout à l'heure, alors que je sentais Sarabelle frissonner à mon bras, alors que ma main s'enlaçait à sa main pour la retenir ou lui demander de m'attirer à elle, j'ai résisté. Je ne l'ai pas suivi. J'ai laissé la porte retomber lourdement et nous séparer. Triple imbécile que je suis. Je suis exaspéré de la pauvre stupidité de ces lettres. Le dernier des collégiens écrirait mieux. Pas une idée originale, pas un élan qui ne soit banalement exprimé. Ces faux respects, ces mutismes d'adoration, ces plaintives pitiés, tout cela est vieux, usé, rebattu, et les femmes s'y laissent encore prendre. Et ce personnage bête se permet de me railler, oui, en vérité, sous la rouerie qui lui interdit d'attaquer directement, cyniquement le mari, perce la naïveté de sa haine, de sa jalousie surtout. Que de perfidie dans les moindres mots. Ce livre que j'ai emporté pour le prêter à on ne sait qui, ses difficultés à se le procurer, sous le prétexte insolent que l'éditeur a fait faillite et que l'édition a été soldée, tout cela est calculé méchamment, insolemment. Où donc est mon exemplaire? Ah oui, je me souviens, chez Sarah, qui a bien voulu me le demander, comme si j'avais pu le lui refuser. Et ses souffrances, et ses tortures, et ses déchirements, quelle phraséologie ridicule et menteuse! Cette femme, que je croyais intelligente, s'est laissée troubler par cette littérature de poncifs sentimentaux, quelle misère! Le 3e billet est court, probant. Pour moi, c'est le coup de couteau, lâchement porté par derrière, entre les 2 épaules, la lame pénétrant jusqu'au cœur. Et vous doutez de moi, aimé, et vous vous défiez encore? Mais de quoi donc? Est-ce que vous n'êtes pas à moi comme je suis à vous? Je n'ai pas pu achever. Un brouillard rouge a passé devant mes yeux. Je me suis dressé, le cœur tordu en une étreinte atroce. Ma main a saisi la crosse du revolver et lentement, d'un pas automatique, j'ai marché vers la chambre. 3 heures sonnaient. Je suis entré, les épaules en avant, regardant. Si elle s'éveillait? Eh bien, est-ce que d'aventure j'aurais peur d'elle? Qu'elle s'éveille, et alors je lui jetterai à la face ma haine et mon mépris. Non, elle dort. Maintenant elle s'est tournée sur le côté. Je ne vois de sa tête que le profil de la tempe et l'oreille avec la petite perle que je lui ai donnée autrefois. Que de fois naguère je l'ai regardée dormir ainsi, en une attitude si gracieuse que jamais peintre ne trouverait modèle plus exquis. Il y a dans la courbure de ce corps voilé des douceurs ravissantes. Oui, bien souvent. Au temps premier de notre mariage, alors que je restais éveillé, suivant mes rêves, dans les placidités du silence nocturne, je me suis penché vers elle, et sur ce front blanc, que pas une ombre n'obscurcissait, je lisais un poème de pureté. Et maintenant ce front ment, sous ses paupières fermées, le regard s'est tapi, hypocrite et félon, et je souffrirais cette trahison, moi, j'accepterais mon déshonneur et supporterais mon propre mépris. Et je pourrais demain, dans 1 heure, me rappeler ces choses odieuses, regarder ses lèvres qui ont souri à un autre, ses mains que d'autres mains ont étreintes. Non, qu'elle meure. Je levai le revolver, et lentement je l'abaissai jusqu'à sa tempe. Une boucle de cheveux noirs cachait la place fixe où la balle devait porter. Alors, de mon doigt, avec des précautions infinies, je l'ai relevée. Gabrielle a fait un mouvement, je me suis rejeté en arrière, instinctivement, comme si j'avais peur. En vérité, on dirait que je n'ose point punir. Pourquoi? N'ai-je pas tous les droits? Ne suis-je pas le mari? Cette femme n'a-t-elle pas menti à toutes les promesses, à tous les serments? Eh bien, et moi, et moi ?